Chapitre 2. Le bon roi Pépin. Or, dans les temps que Berthe espérait en Hongrie, autour de la Saint-Jean, quand la rose est fleurie, et que la mousse abonde au flanc vert du coteau, le roi Pépin le Bref, fils de Charles Marteau, un soir qu'il était seul, assis devant sa porte, songeait bien tristement que sa femme était morte. Il fit mander à lui ses comtes, ses barons, qui vinrent casqués d'or, étoiles d'éperon. Il leur dit « Donnez-moi ta main que je la serre. Ensuite, j'ai besoin d'un avis très sincère. Je suis presque très jeune encore, et je suis très seul. Je me couche le soir comme un mort au linceul. Et mon alcôve auguste est vide de caresses. Mon baiser tout-puissant s'écarte des maîtresses. Car si j'avais un fils, j'entends qu'il fût de moi, ou du moins tel selon l'Église et par la loi. Voyez, réfléchissez et décidez. Que faire ?» « Sire, Berthe au grand pied serait bien votre affaire, » dit quelqu'un. Or, c'était Enguerrand de Montclair. Elle est fille de roi comme il convient, c'est clair. « Berthe au grand pied, » dit l'autre en frisant ses moustaches. « Ce nom nous garantit de solides attaches. » Mais c'est perdre du temps que de parler pour rien. Qu'on demande sa main à son père, c'est bien. « Je fais duc le premier de vous qui me l'amène. J'attendrai, s'il le faut, la fin de la semaine. » Mais pas plus. Par les monts, par les bois, par les veaux, courez, volez, crevez chacun 4 chevaux. Sachez-le tous avant de vous mettre en campagne, j'aurai d'elle un enfant qui sera Charlemagne. Nous serons gouvernés, messieurs, soyez contents. Dispersez-vous, j'ai dit, je suis veuf et j'attends.